photo, il y a le bouton qui crache. Qui est pas mal, après il y a un phaser qui vient, après le délai, j'aurais pas bien réglé.